Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Bienvenue dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, l'émission qui raconte chaque mois la radio à partir des parcours de ceux et celles qui la font vivre au quotidien. Et notre invité de ce mois-ci a une carrière qui a quasiment le même âge que les radios libres, 40 ans de carrière dans moultes antennes, dans les principaux groupes nationaux, les trois principaux, avec beaucoup de défis, des rencontres, des voyages. Autant dire qu'en matière de radio, il en connaît les ficelles. Il nous raconte tout ça dans un livre sorti tout récemment, Micro Souvenirs, chez City Edition. Mon invité se nomme Rémi Junin. Bienvenue à vous. Merci, bonjour Eddy. Eh bien, merci d'avoir accepté l'invitation de venir dans la mécanique des ondes. Ça me fait plaisir. Et alors, sans trop spoiler, parce que j'ai terminé récemment votre livre, la première question qui me vient là tout de suite, c'est est-ce qu'il y a une radio où vous n'avez pas travaillé ? Oui, il y en a beaucoup, oui. Il y en a un paquet. J'en parle, je dis notamment qu'il y a Nostalgie, où j'ai plein de copains et c'est une très belle radio. Mais comme j'ai pas de Nostalgie, ça tombe très très bien. Voilà, c'est un bouquin qui raconte des tas de choses. Oui, non, mais évidemment, il y en a beaucoup. Bah ici, je sais pas où c'est, par exemple. On peut la rajouter dans la liste maintenant. Voilà. Absolument. Non, il y en a beaucoup. Il y a notamment pas mal de radios du service public, et notamment France Culture, où la porte reste hermétiquement close, alors que j'avais un joli projet, j'avais envie d'y faire un petit truc. Mais l'idée du gars qui a bossé à Rire et Chanson et qui travaillerait aussi à France Culture, je sens bien que ça dérange quelques-uns là-bas. Un jour peut-être, hein, qui sait, ne jamais dire jamais, oh là, on verra oui. Bien. En attendant, retour dans le passé, Rémi Junin, vous êtes aujourd'hui au micro d'une radio associative, ça vous rappelle forcément des souvenirs. Ah bah oui, en plus moi j'ai jamais quitté les radios associatives, enfin, je les ai quittées un petit temps, mais je les ai très très vite retrouvées en tant que formateur, donc j'ai commencé effectivement sur TSF 93, qui était une grosse radio associative, avec un studio qui ressemblait furieusement à celui-ci d'ailleurs, clairement, et où on avait des tas de moyens pour bosser, la seule chose qu'on n'avait pas c'était le savoir-faire, donc on était tous à peu près mauvais autant les uns que les autres, mais on a tous bien appris notre boulot là-bas. Et surtout, c'était une radio de territoire, enfin ce qui est essentiel de plus en plus, à mon avis, aujourd'hui. Et j'y suis revenu vers les radios asso, je dirais une quinzaine d'années plus tard, en tant que formateur, puisque l'essentiel de mon travail de formateur, en tout cas en France métropolitaine, c'est auprès des radios associatives. Je travaille auprès de quelques B aussi, mais pour moi, travailler dans les radios associatives, ça reste, c'est du militantisme, même si c'était mon métier et je suis payé pour, mais c'est important de faire en sorte que les radios associatives soient aussi, ou essayent d'être aussi professionnelles que les autres. Parce que elles devraient être les premières de France, les radios asso, parce que c'est celles qui ont du vrai contenu. Et je vais pas cracher sur les radios musicales dans lesquelles j'ai gagné ma vie, mais Chérie FM, par exemple, que j'ai adoré. C'est un beau format, j'ai adoré y travailler. Par rapport à une radio associative qui connaît le territoire, qui interviewe les gens qui sont les personnes importantes du coin, etc., etc. Pourquoi est-ce que c'est Chérie qui est devant ? Enfin, c'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est pas normal. Quand on voit le résultat national des radios associatives, elles devraient être numéro un parce qu'elles ont tout un supplément d'âme. Sauf que elles pêchent souvent par la forme. Et moi, je travaillais beaucoup là-dessus, quoi. On peut dire aussi que c'est une belle école. Ah bah complètement. Bah de toute façon, les animateurs les plus intéressants viennent souvent des radios associatives. Comment il s'appelle ? Julien Cellier, qui doit être en fin de journée sur RTL maintenant, oui, et qui a, oui, fait longtemps le petit matin. Il vient d'où ? Il vient de Radio Laser à Guichin en Bretagne, qui est une très très bonne radio associative, qui a monté d'ailleurs sa Skol Radio et qui vient d'être reconnue. Enfin, c'est énorme. Mais c'est effectivement ça part de la radio associative. Oui, oui, bien sûr. C'est là qu'on apprend à rencontrer les vrais gens entre guillemets. Parce que interviewer les stars, c'est marrant, mais là, ce qu'on doit amener, c'est l'âme humaine. Enfin, c'est nos voisins, c'est nos contemporains, et c'est donc la radio associative est essentielle là-dessus. Ouais. Et c'est un message qu'on défend chaque mois dans cette émission, quasiment avec tous les invités qu'on reçoit. À l'époque de TSF 93, à vos débuts, donc les radios libres explosaient sur la bande FM. Ouais. Vous en écoutiez déjà quelques-unes avant d'arriver à TSF. Parce que vous écoutez surtout des radios périphériques, hein, dans votre jeunesse. Ouais, c'est ça. Il y avait cette fascination pour ce métier incroyable, qui n'en était pas réellement un, d'ailleurs, parce qu'aucun des animateurs de cette époque, à part peut-être André Torrent. Et aucun de ces animateurs n'était des animateurs à l'origine. Ils ont tous fait autre chose avant. Qu'on comprenne Harold Kay, par exemple, qui a été quelqu'un que j'adorais. Il avait été comédien avant. Robert Villard avait été comédien. Fabrice, il avait été chanteur, musicien. Mais tout ça, c'était trop de boulot et c'était un gros feignant. Donc la radio, ça lui allait mieux. Bref, nous, on a été les premiers à en faire un métier. Donc oui, il y avait cette fascination pour ce show permanent que ça représentait, pour cette géniale bonne humeur d'un Maurice Favier le matin, voilà, des gens qui avaient inventé le morning. Si j'aimais faire du morning, c'est bien parce que j'ai grandi en écoutant Maurice Favier, le mec, il a tout inventé, quoi. Donc oui, il y avait ça. Alors après, les radios associatives, bien sûr, j'en ai des radios pirates, bien sûr, j'en écoutais. Qui n'a pas écouté Carbone 14 en se disant, mais qu'est-ce qu'ils foutent, les gars, quand même, n'importe quoi. Et ils n'ont pas été les seuls. Hein. On parle toujours de Carbone 14, mais il y avait Radio Zone 93 qui, dans le genre, était aussi très très forte, qui d'ailleurs sait s'aborder, si ma mémoire est bonne, pour donner son matériel à Radio 93 quand ils ont été saisis par les flics. Enfin bon, oui, bien sûr, j'ai suivi tout ça. Surtout que moi, j'ai eu Jean Ducarroir comme prof, qui était un des grands militants de l'histoire de la radio associative, de la radio pirate. Je l'ai eu comme prof en sciences éco, en fac, sans savoir qu'on avait les mêmes centres d'intérêt. J'ai découvert par la suite, mais oui, bien sûr, on fabriquait des radios à tous les coins de rue. Mais il y avait quand même la police qui était pas loin, quoi. Ils prenaient ça au forcément sérieux. Ouais, et donc, on se méfiait quand même. Donc TSF 93, une aventure qui avait duré quelques années quand même. 4 ans pour moi, ouais. Oui. Et juste après ça, donc vous faites un premier bond vers une des radios qui vous fascinait, ouais, en France, c'était Europe 1. Europe 1, ouais. Ouais, où je viens boucher les trous une semaine d'été, puis une deuxième dans le même été, puis après je récupère les nuits du week-end, donc la plus petite audience de l'antenne, mais j'étais sur Europe 1, quoi. J'arrivais directement. Comment vous êtes senti le tout premier jour dans le studio d'Europe 1 face au micro d'Europe 1? Un peu stressé. Ah ouais, carrément stressé la première fois. Oui, surtout que j'ai été bizuté. C'est un truc que je raconte dans le bouquin. Ils m'ont bizuté, les chefs d'antenne, et il y en a un, je l'ai détesté le soir même. Le lendemain, on était copains, j'ai compris que c'était une blague. Mais quand on arrive d'abord trop tôt, donc on a le temps de stresser, moi je voulais être sûr d'être là, d'avoir tout répété, parce que le studio, il était incroyable, c'était le plus vieux studio du monde quasiment à l'époque. C'était un studio qui datait de la création de la radio, où on m'avait collé. Donc je voulais être sûr de le tenir, etc. Et le gars, il arrive avec, il me dit, ah, tu sais, nous la nuit, on est peinards, on fait monter des plateaux de la cantine, et puis il y a du poulet froid, de la mayonnaise, etc. Et avec sa mayonnaise, il m'a levé le cœur et il me l'a amené sous le nez au moment où on a démarré l'antenne. Enfin vraiment, c'était stressant la première fois, mais en même temps, quand personne ne pouvait le surveiller, dans mon coin, j'appuyais sur le petit bouton qui m'envoyait le retour grande onde dans le casque, parce que Europe 1, je l'avais toujours entendu en grande onde. Voilà. Non, il n'y avait pas de décalage parce qu'on était à Paris et qu'on était encore relié par câble, donc il n'y avait pas de numérisation, il n'y avait pas de satellite ni quoi que ce soit, donc il n'y avait pas de décalage, mais entendre le gros son, entendre ma voix avec le gros son des grandes ondes, puisque c'était ça qui m'avait fait rêver quand j'étais gamin, ouais, je le faisais quand les autres avaient le dos tourné, parce que j'avais quand même un petit peu conscience du ridicule de la situation, quoi. Et à votre arrivée à Europe 1, un an plus tard, il y a eu la création d'un autre programme, Europe, ouais, 2. Absolument. Auquel vous avez contribué, hein, si je me trompe pas. Oui, j'aurais un peu forcé la main, effectivement, puisque moi j'étais en train, fallait bien que je gagne ma vie un peu le reste du temps, parce que le week-end ça me suffisait pas. Donc j'étais allé faire un tour sur un projet qui s'appelait 103.5 et qui serait par la suite chez RFM, mais qui était dans les locaux d'énergie, mais qui appartenait encore à l'époque à moitié à CBS, enfin une histoire compliquée. Et puis j'ai entendu parler de ce projet, mais à chaque fois j'entendais parler des trucs à l'extérieur, quoi. Quand j'étais à Europe, j'ai entendu parler du projet d'Énergie, et à Énergie, on m'a parlé du projet d'Europe. Quand même, je suis sur place, et j'aurais un peu forcé la main, effectivement, pour venir participer à ce projet d'Europe 2, qui était un beau projet, effectivement, qui s'appelait à l'époque juste le programme magique. Europe 2 était un nom de code. Et à ma connaissance, ils pensaient pas le garder. Et puis finalement, c'était pas si mal, finalement. Donc oui, j'ai ouvert le micro, le premier. Il y avait 25 personnes qui écoutaient exactement, puisque c'était les 25 premiers affiliés qui allaient diffuser ça sur leurs ondes, sur leur radio locale, mais il y avait pas d'auditeurs normaux, si j'ose dire. C'était des gens complètement intéressés. Donc 25 personnes le premier jour, c'est la seule fois où j'ai su exactement combien j'avais d'auditeurs. Ce qu'il faut rappeler quand même aux auditeurs les plus jeunes, hein, Europe 2, à la base, c'était une banque de programmes qui était distribué radio locale, qui n'avait pas d'identifiant, hein, au début. Hein, c'est ça, le programme magique. Il y avait ça quand même, avec la musique de Catherine Lara. Il y avait un bel habillage, mais effectivement, il n'y avait pas d'identifiant. Et alors les radios ajoutaient, par exemple, je sais pas, Radio Marguerite à Angoulême devait ajouter Radio Marguerite, le programme magique. Et puis après, c'est devenu avec Europe 2. Le programme Europe 2, le fameux. Et alors, petite parenthèse quand même, parce qu'il y a eu quelque chose d'original à un moment donné, en parallèle à Europe 2. Faisiez une tranche sur Radio Classique en quasi simultané. C'est ça, oui, il y a parce que Radio Classique avait inventé le voice track en France. On n'utilisait pas le terme, mais c'était le principe. Et effectivement, je venais enregistrer l'après-midi toute une série de matinées, puisqu'il y avait que les speaks. Nous allons écouter maintenant le troisième concerto de Mozart, etc. Et je ne le faisais pas de façon aussi ridicule, mais de façon assez compassée quand même. Ils avaient un style encore, c'était les débuts de Radio Classique. Et effectivement, pendant une saison, j'ai été à la même heure sur les deux radios, sachant que le speaker de Radio Classique n'était pas annoncé. Donc on donnait pas mon nom. Dans la grille de l'époque, si je me souviens bien, j'ai vu des documents et il n'y a jamais eu de nom de mentionner. Non, absolument. Non. D'accord, je comprends mieux. Mais du coup, vous n'avez pas le risque, la peur de confondre un titre d'Europe 2 avec un titre de Radio Classique. Même si c'est arrivé, puisque j'ai diffusé je suis en train de chercher le titre de ce morceau de Gainsbourg qui est directement inspiré, c'est la musique de Chopin en fait, c'est si j'ai bonne mémoire. Et je l'ai désannoncé sur Europe 2 ce jour-là. Un peu à la manière dont j'aurais désannoncé de Chopin sur Radio Classique, mais ça évidemment c'était vraiment le private joke le plus stupide qu'on puisse faire, puisqu'il y avait que moi qui pouvais le comprendre. Et en tant que formateur, je me fâche quand on fait un truc pareil, quoi, évidemment. Mais ça, on n'a pas frôlé le Radio Classique programme Europe 2, donc non. Non, j'ai pas fait cette erreur là, j'en ai fait d'autres. On va faire une première pause musicale, je sais que vous avez votre point de vue sur ce monde, on en a déjà discuté, Rémi Junin. Premier morceau qui est en lien avec votre parcours radio, et puis on va y venir juste après, Richard Cocciante avec L'amour existe toujours, dans une version très particulière. Ouais, je vous la présente tout de suite. Allez-y. Parce que à ma connaissance, cet enregistrement n'existe nulle part ailleurs, dans la mesure où c'est une chanson qu'il a composée, qui a été écrite par Luc Plamondon, et qu'il a composée pour Céline Dion. Et Céline Dion en a fait un tube, et lui... nous avait dit qu'il allait la réenregistrer. On a fait plein d'émissions avec Richard. C'est un type extraordinaire, adorable, d'une discrétion absolue, et trop grande discrétion d'ailleurs à mon avis. Et là, on a fait une émission en direct de Rome, dans des conditions assez luxueuses, parce que c'était un artiste chéri. On avait fait déjà des émissions ensemble, je voulais qu'on renouvelle. Et on est en direct à Rome, dans un studio d'enregistrement. Il se met au piano et il joue ça. Je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore, toutes ces années de déroute. Toutes, je les donnerai toutes. Manquerai à ton port la solitude que je redoute, qui me guette au bout de ma route. Je la mettrai dehors pour t'aimer une fois pour toutes, pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court, aimer l'amour. Quand je m'endors contre ton corps, alors je n'ai plus de doute. L'amour existe encore. Je m'endors contre Richard Cosciante, et pas Cosciante, voilà, on en apprend tous les jours, hein, c'est, ça fait partie... Oui, c'est ce qu'il m'avait précisé. L'amour existe toujours dans une version encore. Live. L'amour existe encore. Existe encore, oh là là, mais c'est marqué sur mon papier en plus, mais quelle honte. C'était à l'instant dans la mécanique des ondes sur Fréquence Protestante, choisi par Rémi Jounin. Un choix pas si anodin, puisque ce morceau-là, vous y avez assisté à cet enregistrement. C'est ça, ouais. On était donc on était à Rome pour un week-end spécial organisé avec des auditeurs à qui on avait fait gagner le voyage pour qu'ils viennent avec nous, et donc faire cette émission en direct avec Richard. On était dans le studio dans lequel il avait enregistré un album précédemment, et là, le son est pas terrible, mais c'est un document, puisqu'encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait d'autres enregistrements de cette chanson par lui. Moi, je trouve que c'est un immense chanteur. Enfin, il est un peu oublié, mais c'est... Il faut imaginer que quand on est à Rome avec Johnny, ce qui met... avec lui, pardon, c'est comme être à Paris avec Johnny, quoi. C'est... D'un seul coup, on se retrouve avec une meute autour de soi parce que c'est Richard, quoi. Et donc là, on est dans le studio. On est en train de diffuser ça à l'antenne en direct. C'est enregistré à Paris, là. Et puis, ça a été gardé sur une cassette, d'où la qualité du son. Mais... À la fin, on va pour applaudir, etc., parce qu'on est une douzaine dans le studio quand même, il y a un blanc. Il y a un énorme blanc à l'antenne. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté de la vitre, il y a le réalisateur italien, enfin l'ingé son, il y a ma réalisatrice, il y a le directeur d'antenne qui fait producteur, qui fait le décompte, etc. Et ils sont tous sous le charme et il n'y en a pas un qui pense à m'ouvrir le micro. Donc c'est dire si tout le monde est complètement sous le charme. Et donc pour moi, c'est un joli souvenir des choses qu'on a pu faire à Chérie FM, qui effectivement a été mon aventure suivante, quoi, d'antenne. Oui, c'est ce que vous dites dans votre livre aussi. C'est la radio sur laquelle vous avez eu les meilleurs souvenirs. Vous soulignez aussi son côté populaire, hein, je crois aussi. Ouais, tout comme RTL. Vous étiez juste après. Hein. Bah oui, moi je suis un banlieusard. Hein. J'ai toujours vécu en banlieue. Quand je dis banlieue, c'est pas le 92, c'est le 93. Le vrai public qui me touche, c'est les gens qui vont bosser le matin tôt, que je croisais dans le RER quand je venais de banlieue, etc. Et on les rencontrait plus. Et je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Europe 2, c'était une belle aventure. J'étais content de le monter, mais c'était du CSP++. Et sur Chérie et sur RTL, on est plus auprès d'un grand public qui a des goûts plus populaires, dans le bon sens du terme. C'est pas du tout un mot... J'ai croisé des gens pour qui c'était négatif, pour moi c'est positif. Et Chérie, ouais, c'était agréable à faire parce que c'était... D'abord, c'est 3 ans de vacances. Une ambiance extraordinaire, des gens adorables qui viennent m'aider à faire une émission où vraiment j'ai qu'à me mettre les pieds sous la table parce qu'on m'a tout prémâché et moi j'ai qu'à faire mon métier d'animateur. Et donc, effectivement, des rencontres avec des stars, un par semaine qui vient, qui se prend au jeu. Avec l'énorme risque pour moi de devenir le gentil ami des stars. Et ça, je voulais surtout pas, parce que ça vous éloigne des auditeurs. Surtout qu'à l'époque, il y avait cette étiquette Laurent Boyer un peu partout. Voilà. Alors, Laurent est un type formidable et adorable. Hein, je voudrais qu'on pense surtout à lui. Hein. Bien sûr, on pense à lui. Parce que je pense qu'il est peut-être un peu tombé dans ce piège. Parce que ces gens vous le tendent, hein, le piège, les stars en question. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas d'être quelqu'un de formidable. Moi, je voulais éviter ça parce que quand mes invités, mes stars, venaient le vendredi, mais le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, c'était les auditeurs qu'il fallait que je retrouve le lendemain. C'est eux qui étaient essentiels et qui étaient mes complices. C'était pas celui qui était dans le studio. Et c'est toujours très compliqué quand vous avez un Johnny, par exemple, dans le studio, qui vous tutoie pendant une heure, de garder le vouvoiement qu'on aurait voulu instaurer parce que l'auditeur, il va pas tutoyer la star, il va la vouvoyer. Donc moi, je fais comme lui. Et puis en plus, voilà, ceux avec qui j'ai déjeuné, ils sont très peu nombreux. Enfin, je suis pas effectivement un ami des stars, même si... On a développé des complicités à force de faire des émissions avec Véronique Sanson, avec Maxime Le Forestier, etc. Oui, il y avait une vraie complicité, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, voilà. Moi, je suis du côté des auditeurs, pas du côté des stars. Et quand le jour où on était en direct à l'Olympia, par exemple, vous faisait des trucs comme ça, bah, moi, j'étais dans la salle, hein, malgré tout. Au moment du spectacle, j'étais pas sur scène. Hein. Faut pas se tromper. Et l'aventure ensuite radiophonique a continué. Alors. Là, cette fois, c'est pas de manière récurrente, c'est estival sur RTL, ouais. Hein, comme je disais tout à l'heure. Là, pareil, de très bons souvenirs. Bah oui, bien sûr, parce que c'était un rêve de gosse, clairement. Il y avait déjà Europe 1 j'avais déjà touché. Il restait RTL. Et effectivement, le premier été, en plus, j'ai fait le Stop ou Encore, avec la valise, etc. Donc, c'était un rêve de gosse qui se réalisait enfin. Et bien sûr, RTL, j'ai que des bons souvenirs, parce que là aussi, enfin, il y a peut-être une saison où ils t'ont fait un mauvais casting, ils m'ont mis sur une émission qui m'allait pas, donc j'ai pas été bon, donc je me suis fait engueuler. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. En plus, Je pars du principe que c'est eux qui se sont trompés. Mais sur le morning, moi, j'étais chez moi, quoi. Alors, il y a d'autres émissions que j'aurais aimé faire que j'ai pas faites. Bon, c'est la vie, hein, il y a plein de trucs. Mais le petit matin, à 5 heures du matin, ouvrir l'antenne, avoir la pêche et faire des jeux idiots pour faire marrer les gens, juste pour qu'ils se réveillent de bonne humeur parce que c'est l'été. Oui, ça, je savais faire. Et donc, ouais, c'est de bons souvenirs parce que on travaillait en complicité avec des réalisateurs qui aimaient ça aussi. Et on s'est bien amusé. Ouais. Pas sérieux, tout ça, quoi. Et alors, dans votre livre, vous citez une phrase qui était intéressante aussi, qui fait une bonne transition. Vous avez rêvé de faire l'Europe Stop, vous l'avez fait. La valise RTL, vous l'avez fait. Et ensuite, vous vous êtes dit, et maintenant? Bah, c'est ça. C'est ça. Et la réponse à « et maintenant », ça a été quand je suis sorti de l'avion à Saigon, à Hanoï, pour mon premier voyage vraiment au bout du monde, pour de la formation. Et ça vous était proposé par la bonne personne au bon moment, hein. C'est ça, exactement. Ouais. On m'a proposé une mission. Vraiment, le gars qui ouvre la porte de la pièce où je faisais de la formation avec des jeunes en France, qui m'a dit « Tu fais quoi en décembre ?»« Bah, je sais pas. 15 jours au Vietnam, tu prends ?»« Bah, oui. » Et ça c'est parti comme ça. Et effectivement, le Vietnam, ensuite l'Afrique, le Ghana, etc., jusqu'aux Comores récemment, et encore en ce moment, c'est magique. Et là, j'ai plus besoin de faire de l'antenne de façon récurrente. Il y avait l'été qui continuait encore un peu sur RTL, mais c'est vrai que il y a quelque chose d'absolument extraordinaire à aller rencontrer les gens autrement qu'en tant que touriste, quoi. Aller travailler avec des gens de médias, en plus, qui est la meilleure façon de découvrir un pays, des coutumes, travailler sur des émissions qui racontent un pays. Bah, on apprend à toute vitesse. Surtout que dans ces pays-là, vous découvrez, je pense aussi, une autre place qu'à la radio dans ces pays par rapport à chez nous. Bah, c'est-à-dire que l'histoire s'écrit pas à la même vitesse dans ces pays-là, et souvent les pays où on m'a envoyé, en tout cas, c'est des endroits où ils vivent à l'heure actuelle une radio dont on a eu besoin, nous, à une certaine époque, ou du moins qu'on a su faire. Eux, ils en ont besoin. Nous, c'était un peu plus. C'est-à-dire que chez nous, la radio est souvent futile. Chez eux, elle est utile. Ça, c'est vraiment une formule à laquelle je tiens, parce que quand on travaille, j'ai aussi travaillé en France avec des gens qui étaient venus d'Haïti, du Congo Kinshasa, etc. C'est vrai que quand on travaille avec quelqu'un qui fait des émissions sur la santé publique, par exemple, eh ben, on fait un travail vraiment utile, contrairement au Stop ou Encore. Stop ou Encore, c'est futile, et on est utile juste parce qu'on donne un peu de plaisir auditif à certains et certaines, mais là, oui, il y a, dans ces pays-là, la radio est le média de base, quoi, parce que le papier est cher, il y a beaucoup d'analphabétisme, les journaux, donc papier, fonctionnent mal, la télé, bah, pour avoir la télé, encore faut-il avoir de l'électricité dans le village, et il n'y en a pas toujours, et donc il reste la radio, parce que des piles, on en trouve, l'ONU, à une époque, avait distribué un peu partout dans le monde des radios à manivelle, oui. Comment ça s'appelle, la Dynamo, voilà. Et la radio arrive à passer avec une FM plus ou moins de bonne qualité. On parle évidemment pas de DAB là-bas et de RNT, tout le monde s'en fiche. Ça viendra plus tard. L'histoire s'écrit différemment. Et on va passer directement, d'ailleurs, dans ces pays-là, de la radio FM qu'on a connue, nous, il y a 20 ans, au podcast, parce que je pense que les antennes vont coûter bientôt beaucoup trop cher par rapport à la 4G qui est en train d'arriver, puisque la 4G est venue compenser l'absence de téléphone filaire. Nous, on a eu le filaire pendant longtemps. Eux, il y a des tas d'endroits qu'ils n'ont jamais eu. Donc la 4G vient tout remplacer, y compris la fibre qu'ils n'auront jamais non plus, etc., dans certains villages. Donc, le tuyau sera suffisamment large pour faire passer des podcasts et une nouvelle écriture. Alors justement, c'est un peu, je rebondis un petit peu sur ce sujet, l'évolution de la radio. Du coup, Internet se développe, le podcast se développe aussi. Mais du coup, la radio telle que vous l'avez connue au début, il y a 40 ans, est-ce qu'elle a encore de beaux jours devant elle? Bah, tout dépend. Sous sa forme, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, par exemple, c'est passionnant parce que quelle est la proportion d'auditeurs qui sont en train de nous écouter aujourd'hui et d'auditeurs qui sont en train de nous écouter un autre jour? Et dans les deux cas, je le dis volontairement au présent, puisque ceux qui nous écoutent en direct et ceux qui nous écoutent en replay ou en podcast, dans tous les cas, sont en train de nous écouter pendant que je parle. Donc, peu importe, finalement, le savoir-faire reste le même. Le gros avantage du podcast, qu'il soit natif ou qu'il soit du replay, c'est qu'on n'a plus à se casser la tête à resituer les gens. Parce que la grosse difficulté de plein d'animateurs, c'est de dire, depuis le début de l'émission, on est avec machin, pour telle raison, etc. C'est fatigant, c'est casse-pied, ça casse le rythme, mais il faut le dire pour ceux qui viennent d'arriver quand on est dans le flux. En podcast, on est peinard. On n'a plus ce genre de soucis puisque ça s'écoute depuis le début. Bref, c'est un savoir-faire qui s'affine, mais qui, sur ce plan-là, reste le même. C'est juste qu'il faut s'adapter aux habitudes des auditeurs. Netflix, Canal, etc. ont donné le rythme que c'est plus nous qui décidons, diffuseurs. C'est plus « Ah, on va allumer parce que c'est les grosses têtes ». Oui, d'accord, c'est les grosses têtes, on va allumer. Mais en dehors de ça, encore une fois, je ne connais pas vos chiffres, mais je suis persuadé qu'il y a plus de gens qui écoutent la mécanique des ondes en différé que là, en direct, maintenant, puisqu'on va pouvoir l'écouter pendant des mois, pendant des années, etc. Donc, on est dans une nouvelle mise à disposition. Donc oui, notre savoir-faire depuis le début, de savoir aller interviewer les gens, leur poser des questions, les amener à raconter des choses qui vont intéresser l'autre, hein, la personne essentielle qui est de l'autre côté du poste, ou de l'ordinateur, ou du smartphone, ou quel que soit l'outil, le device qu'on va utiliser, on s'en fiche. L'important, c'est qu'il y a une parole qui passe d'un côté à l'autre, et qu'on n'oublie pas la base, l'auditeur. Mmh. Donc... C'est joliment dit, oui. Ça prête à réflexion. On va continuer à voyager, puisqu'on parlait de voyage, avec un deuxième morceau que vous nous avez suggéré. Oui, alors ça, c'est une autre facette dont je parle nulle part, parce que c'est plus un truc personnel. C'est que l'été, j'aime bien... je suis resté un peu geek et un peu technicien, et j'aime bien enregistrer les morceaux d'un petit festival qui a lieu dans une toute petite bastide du sud-ouest de la France. Et donc là, c'est un truc que j'ai enregistré moi-même, et c'est quand même vachement bien. J'en parle après, peut-être, c'est des grands musiciens. Alors ça, c'est un enregistrement, vous nous disiez, que vous aviez fait vous-même. Hein. C'est une exclusivité pour la mécanique des ondes. Pardon Marie, on est obligé de chanter. Marie, c'est la patronne du groupe, si j'ose dire, et l'organisatrice du festival qui s'appelle le 8 de Montcabrier, donc qui a lieu tous les étés, et où il y a tous les étés des musiciens formidables qui nous interprètent des choses magnifiques dans un très très joli cadre, et des fois, quand il fait beau en plein air, enfin, c'est un des très très beaux et méconnus festivals d'été, et moi j'en ai enregistré plein, et j'en ai plein dans la voiture. Alors, pour la laisse nous le désannoncer. Ah oui, c'était l'adagio de Samuel Barber. Voilà. Enregistré par moi-même. Par Rémi Jouna, notre invité de la mécanique des ondes aujourd'hui, qui, vous l'avez vu, a un parcours très riche, tellement riche qu'il aurait fallu 3 émissions pour voilà, tout dérouler. Mais c'est pour ça, heureusement, qu'il a sorti un livre dans lequel il raconte tout ça en détail, avec une petite pincée d'humour, avec pas mal d'anecdotes, de belles rencontres, notamment une avec Pierre Perret, et puis qui fait un chant avec Marcel Gottlieb. Mmh. Il y a de quoi être jaloux. En tout cas, je vous le conseille, ce livre Micro-Souvenirs, aux éditions City Edition, merci. Alors, on va en parler un peu de ce livre. Hein. C'est un livre où vous détaillez vos souvenirs en 285 pages, sans nostalgie, hein, comme vous l'avez dit, le mot et la radio. Oui, non, c'est complètement. Et avec donc cette petite pincée d'humour. Moi, je voulais savoir d'où vous est venue l'idée, justement, de vous raconter sur papier. C'est un copain qui m'en a parlé il y a quelques années, qui m'a dit « Ah, bah écoute, t'as quand même vécu pas mal d'aventures diverses et variées, écris-le, ce serait intéressant. » Et j'avais commencé en vrac, avec des petits trucs à droite à gauche, et puis c'était pas le moment, j'étais pas prêt. Et là, bah c'était clairement au moment où j'avais tous mes trimestres, comme on dit, donc j'allais passer à autre chose, j'allais enfin pouvoir faire uniquement ce que je veux sans avoir à chercher des clients. Et je me suis dit qu'il y avait une porte à voilà, il y avait une porte à fermer, un sas que j'avais envie de passer. Et puis voilà, je me suis dit 40 ans quand même, pile les 40 ans de la FM finalement, avec l'occasion de la fête des 40 ans, tout ça. Je me suis dit bon, il y a peut-être en plus un marché, va savoir. Je m'étais dit que au pire, je le faisais à compte d'auteur parce que ça m'amusait d'aller au bout. Puis ça venait bien, même s'il y a eu plusieurs jets, parce que j'ai eu la chance d'avoir du coup un vrai éditeur qui m'a dit ça va pas, ça refait comme ça, des correcteurs qui me disent oh, on comprend rien, etc. Donc ça m'a obligé à affiner effectivement, et puis je me suis dit que je voulais retrouver, si c'était possible, dans l'écriture, l'esprit que j'ai à la radio. Ou que j'avais à la radio. C'est ça, justement, moi quand j'ai lu, j'ai l'impression que votre voix était dans ma tête en train de narrer ce que je disais. Ouais. Bah, je me suis demandé si vous enregistriez pas, non, justement pour... Non, parce que c'est pas du langage parlé, malgré tout. Même si tous les apartés, les renvois en bas de page, et encore on en a enlevé pas mal parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais ça c'est les petits clins d'œil que j'ai toujours bien aimé mettre. Malgré tout, c'est pas du langage parlé, et à aucun moment je l'ai lu tout haut, à un moment donné après, mais je l'ai sûrement pas dicté. Non, je l'ai écrit avec cette peut-être tendance à faire des phrases un peu longues de temps en temps, justement, mais de toute façon, je suis trop bavard, donc ça va avec. Et alors, du coup, c'est bien le cas d'en parler pour un livre. Est-ce que c'est aussi un peu tourner la page, oui, pour mieux avancer vers des nouveaux défis? C'est ce que vous dites à la fin? Oui, c'est ça, complètement. C'était, voilà, là, il y a plus qu'un chapitre qui se tourne, et je peux attaquer les 60 prochaines années, quoi, avec, voilà, comme si c'était une page blanche, mais je m'appuie là-dessus, puisque maintenant je fais partie d'une association, et donc c'est du bénévolat, mais où on aide les médias d'une façon générale, et où je m'interdis plus, avant ma spécialité c'était la radio, maintenant je m'interdis rien, en ce moment je suis en formation en vidéo, et voilà, les médias explosent, le média devient global, donc il y a des pays qui ont besoin de notre expertise pour avancer, et pour que la démocratie reste, ou la défendre, ou la faire revenir, ça dépend des moments, donc tout ça fait que effectivement ça m'occupe bien, et que là, c'était une façon de finir toute cette partie, effectivement, professionnelle, quoi. Alors, il y a un petit passage dans le bouquin, moi, qui m'a fait tilter. Hein, c'est sur le passage des ondes moyennes. Ouais. Vous disiez que vous avez participé, il y a 20 ans, au développement d'un projet, ouais, pour les ondes moyennes sur une radio. Moi, je me souviens qu'à cette époque-là, c'était l'époque où le CSA voulait relancer les ondes moyennes avec des nouveaux projets, des nouveaux entrants, dont Bolloré. Et toutes ces radios n'ont jamais fait long feu. Elles ont tenu 2 ans, 3 ans, pour ne pas dire, voire certaines, jamais. Il y avait l'idée de numériser aussi ces ondes moyennes. Vous dites même dans votre livre qu'il y aurait pu y avoir un nouveau terrain numérique à faire là-dedans, peut-être plus mieux que le DAB+. Est-ce que, du coup, c'était une occasion ratée? Ah bah complètement. Alors, j'ai pas tout à fait la même lecture que vous. C'est-à-dire que pour moi, le CSA n'en voulait pas, en fait. On était là à le pousser, à insister, mais il y avait... à l'époque, le président du CSA, c'était celui qui a eu des soucis par la Dominique Baudis, qui n'en avait rien à talquer. C'est-à-dire que moi, j'étais à une réunion où il nous a clairement dit « Vous n'allez pas encore me faire chier avec la radio numérique ». Clairement, mot pour mot, en public. Lui, il n'y avait qu'un truc qui l'intéressait, c'était la TNT. D'ailleurs, le dossier TNT est parti bien après le dossier RNT, et il est passé devant, puisque RNT n'est toujours pas arrivé. Mais surtout que la radio numérique, on en parle depuis 1992, au moins. C'est plus vieux que ça. Ouais. Plus vieux que ça? Oh, oui, je pense, oui. Oui, 92, non, c'est ça, effectivement. Avec le club des AB, etc. Oui, bien sûr. Ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a eu des freins de tous les côtés, à mon avis, enfin, c'est ma vision des choses. Il y avait d'abord l'incompétence crasse du service technique du CSA à ce sujet. C'est-à-dire que moi, il y a un monsieur qui est venu me voir à cette époque-là, qui était directeur technique du CSA, c'est quelqu'un qui était détaché de TDF, qui m'a dit « Alors, vous voulez faire des grandes ondes ?» J'ai dit « Non, monsieur, les grandes ondes, ça dépend pas de vous. Les grandes ondes, c'est l'UER, c'est l'Europe. Non, on veut faire des ondes moyennes. Ah, de toute façon, le son, il est pas bon. » Je dis « TDF a fait quand même des ondes moyennes en stéréo sur Paris. Il y a eu des essais. » Avec France Bleu. Il savait pas tout ça. Bref, il y avait ça, et puis il y avait surtout les gros groupes, RTL Europe, etc., qui ne voulaient pas de nouveaux entrants. Ils savaient très bien que le gâteau, il commençait déjà à se partager sur la FM s'il y avait des nouveaux entrants par le DRM ou un autre. Peu importe le système de numérisation, ça déstabilisait le système. Et ça, ils n'avaient pas voulu être en mentor, faut être honnête. Parce que ça coûte cher de fabriquer RTL, ça coûte très cher. Et si, brusquement, il y a moins d'argent qui rentre, il va falloir faire des grosses, grosses économies. C'est ce qui se passe depuis, d'ailleurs, mais ça, c'est une autre histoire. Rémi Jounin dans La Mécanique des Ondes, donc encore une fois, que vous pouvez retrouver plus en détail dans son parcours, dans Micro Souvenirs, aux éditions City Edition. Donc on l'a dit en 285 pages, donc et un parcours très garni. Et sans images, oui, mais bon, c'est comme la radio, l'image, c'est voilà, on se la fait nous-mêmes. C'est ce que j'espérais un peu, tant mieux. On va passer maintenant à la partie questionnaire avant de nous quitter avec la traditionnelle question capsule. Il y a un mois, à votre place, c'était Sophie Marchand, rédactrice en chef et animatrice à Radio Nova, qui nous a laissé une petite question pour vous qu'on écoute tout de suite. Bonjour Rémi, j'espère que vous avez passé une chouette émission. Cette question, je m'adresse à vous en tant que formateur. Que faut-il aujourd'hui, en 2022, pour se lancer dans la radio ? Il faut avoir envie. Déjà, je crois qu'il faut avoir beaucoup d'envie parce que c'est pas facile. Et il faut peut-être aussi, de la personnalité. Il faut surtout éviter de se recopier. Il faut éviter... Moi, je travaille beaucoup là-dessus, mais tous les langages qui font radio, enfin toutes ces choses épouvantables qu'on apprend par capillarité. À une époque, les animateurs disaient tous on va s'écouter le dernier machin, ce qui évidemment n'est pas du tout du français et qu'on n'entend jamais dans la vie et qu'on n'entend qu'en studio de radio. Pour les journalistes, c'est la même chose, un peu enlever le fameux et soudain, c'est le drame, toutes ces choses-là. Voilà, je crois qu'il faut que la mécanique qu'on apprend soit complètement planqué en dessous, quoi, comme un danseur étoile. À un moment donné, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il vole? Non, il vole pas. Il est retombé 50 fois, quoi. Donc oui, je pense que c'est plutôt l'envie d'être soi-même, apporter sa personnalité dans une mécanique bien huilée, quoi. C'est ce que vous dites vos jeunes quand vous les avez en formation, je suppose aussi. Ah bah oui, bien sûr. Vous en avez déjà eu en face de vous qui vous disent ouais, moi je vais être le nouveau Coé, le nouveau Diffou. Tous les jours. Dans certains cas plus que d'autres, oui. Pas dans les radios associatives. C'est pour ça que moi j'aime bien la formation in situ, dans les radios avec des gens qui bossent déjà et on travaille à partir de ce qu'ils font, pas de ce qu'ils pourraient faire par la suite. On travaille à partir de leur vécu et on se dit mais là, à quel moment t'as oublié l'auditeur en cours de route? À quel moment on t'aurait pu être plus concernant? Et on emploie en fait des termes de marketing, ce qui les braque un petit peu, mais c'est pas grave, de façon à faire revenir l'auditeur à chaque minute du jeu. C'est-à-dire que si là, en ce moment, l'émission qu'on fait, si elle fait plaisir qu'à moi, parce que je suis l'invité, qu'on parle de moi, parlez-moi de moi, il y a que ça qui m'intéresse, elle est loupée, l'émission. Il faut qu'on ait réussi tous les deux à intéresser, et ça c'est votre boulot, à intéresser ceux qui nous écoutent en ce moment. Pour moi, la radio, c'est du partage, avant tout. Oui, voilà. Bien sûr. Moi, c'est comme bien ça que sûr. Je le vois. En tout cas, bien j'espère sûr. Que c'est perçu par les auditeurs. Bien sûr. De toute façon, les auditeurs sont notre alibi. On prend du plaisir à faire le truc, mais sans eux, ce plaisir, il est solitaire. Il nous reste quelques minutes encore à passer ensemble, Rémi Jounin. On va terminer avec le traditionnel questionnaire rapide. Mm-hmm. Vous êtes prêts? Oui, bien sûr. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Oh, il y en a beaucoup, hein. Ça c'est vache. Ça. J'ai beaucoup parlé de Fabrice, par exemple. Fabrice. S'il n'en veut qu'une, c'est Fabrice, oui. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Je peux pas... RTL 1. Voilà, je peux pas, c'était les deux. Seuls les professionnels auront la référence. Non, mais c'est vrai, il y avait Europe et RTL, et il y avait à chaque fois des gens que j'adorais chez les uns et les autres, et il y avait des moments, c'était pas possible quoi, de choisir. Quelle radio vous réveille le matin? À l'heure actuelle, c'est TSF, parce que c'est comme ça, c'est TSF Jazz, parce que comme ça, c'est de la musique qui me fait pas tomber du lit. Quelle radio vous endort le soir? Alors, la radio qui m'endort le soir, ce serait plutôt une web radio musicale, comme l'une des miennes, puisque j'en fais pour me faire plaisir. Donc, une qui s'appelle Jazzopolitan, par exemple, qu'on trouve sur le net. Et si je devais m'endormir avec de la radio, ce serait ça, oui. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Un endroit où la voiture, hein, comme, ouais, encore que moins qu'avant, mais si, si, en voiture, j'écoute des podcasts, et j'écoute notamment les podcasts de France Culture, Les Pieds sur Terre, ou alors les formidables fictions de Cédric Ossir, et Stéphane Michaka, qui sont des gens qui font des choses extraordinaires sur France Culture, donc ça, je les ai toujours en stock. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Un endroit où je ne l'écoute jamais. Ça va être plus difficile à trouver. Elle est toujours difficile. Ouais, parce que je pense que peut-être le métro, parce que dans le métro, maintenant, dans mon casque, je vais plutôt mettre des playlists musicales perso. Oui, et puis ça capte pas. Si, en 4G, mais... Et encore. Pas toujours, oui, c'est ça, donc... Oui, ça passe. Votre meilleur souvenir de radio? Oh là là. Allez, ça c'est vache, parce que vraiment, j'en ai beaucoup, quoi. Je sais pas, ça peut tourner autour d'histoires d'amitié, quoi, autour des émissions avec Philippe Aubert, c'était tellement magique d'être complice avec lui. Donc ouais, on peut dire ça, mais j'ai eu beaucoup d'histoires d'amitié en radio, donc c'est un peu salaud pour les autres. Alors, on va aller dans l'autre sens, le pire souvenir. Le pire souvenir? Oh bah alors ça, je dois en avoir quelques-uns aussi, je pense. Des fois où j'ai fait où je me suis planté. Il y a une fois où j'ai fait une grosse bêtise à l'antenne, où j'ai voulu faire kicker, et où quelqu'un m'a appelé pour me dire que je lui avais fait de la peine. Et alors là, ça voilà, je crois que c'est ça le pire souvenir, c'est d'avoir fait de la peine à quelqu'un en voulant faire le malin. Et en plus, ce type a été très gentil, il m'a pas insulté, il m'a juste dit je vous aime bien d'habitude, et là je fais l'effort de vous prévenir, mais etc. Et ce jour-là, il m'a aidé énormément, évidemment, mais c'est quand même un très très mauvais souvenir, ça c'est sûr, absolument. Et enfin, pour terminer, ça va peut-être en lien avec la question capsule, mais un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Essayez d'inventer. Essayez de nous apporter aussi de la nouveauté. Arrêtez de reproduire. Voilà, c'est ça qu'il faut attendre. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter donc, Rémi Judin. Merci d'avoir passé ces quelques moments avec nous dans la mécanique des ondes. On rappelle merci à nos auditeurs votre livre, Micro-souvenirs, chez City Edition. Procurez-le-vous, il est passionnant à dévorer du début à la fin. Merci à vous et rendez-vous le mois prochain.